Conclusion. Vous voilà, mon cher lecteur, à la fin de la seconde partie de l'excellence de Marie. J'avais promis de résoudre ces deux grands problèmes. Quelle est l'excellence de Marie, et en quoi consiste la dévotion qui lui est due? J'ai tâché d'exécuter ma promesse autant que j'ai pu, en y employant tous les moments de loisir que m'ont laissé d'autres occupations. Je vous ai fait admirer Marie dans les personnes et les choses qui l'ont figurée, dans son auteur et spécialement dans ses fins, en elle-même, et enfin dans ses bienfaits. Je vous ai fait voir quels sont les vrais serviteurs de Marie. Je vous ai montré d'abord que c'est à tort qu'ils se glorifieraient de ce titre ceux qui nourrissent l'affection au péché, ceux qui s'obstinent à vouloir encore offenser Dieu, mais que cependant les pauvres pécheurs qui ont déposé la volonté de pécher, et désirent rentrer en grâce avec Dieu, peuvent être, quoiqu'imparfaitement, des serviteurs de Marie. J'ai expliqué ensuite quels sont les devoirs d'un parfait dévot, d'un véritable enfant de Marie, c'est-à-dire le respect, l'amour et l'obéissance qui sont dus à la Sainte Vierge. Et je réussis à exécuter mon plan, ai-je eu le bonheur de vous faire connaître Marie? Il y aurait trop de présomption à le croire. Ai-je moins réussi à vous faire connaître quels sont les véritables dévots de Marie? Ce second problème, il est vrai, est moins difficile que le premier, mais mon ignorance, mon incapacité est si grande, que je ne sais si je suis parvenu à l'éclaircir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous agréerez ma bonne volonté, et mon désir sincère de vous aider et de vous être utile. En récompense de mon travail, quel qu'il soit, je n'attends autre chose de vous sinon que vous priez pour moi le Dieu Tout-Puissant, et Marie, sa mère, afin que, par la divine miséricorde et par l'intercession de Marie, j'obtienne le pardon entier de mes péchés et la grâce d'être un véritable dévot de Marie durant cette vie mortelle, pour être ensuite admis en participation de la gloire dont elle jouit présentement dans le ciel. C'est à vous maintenant que je m'adresse, ô ma mère, je prends la hardiesse de vous offrir ce faible don. Ô Dieu, qu'est-ce que ce don pour oser le présenter à une si auguste souveraine? J'en rougis moi-même, mais que dois-je faire? Ma misère est si grande, je ne puis vous offrir que bien peu. Si vous voulez que je vous offre quelque chose de plus précieux, commencez par me l'obtenir, car vous connaissez mon indignité, et vous savez que mon propre fonds ne produit que malice et péché. S'il se trouve quelque bien en moi, j'en suis redevable à la munificence divine et à votre libéralité maternelle. Ce bien vous appartient donc, ô ma mère, mon être, ma vie, mes facultés, en un mot tout ce que je suis et tout ce que je puis appartient à Dieu et à vous, et à moi que me reste-t-il? Mandatium et peccatum, confer concile de Vaison 2, chapitre 22, le mensonge et le péché. Que tout bien, toute louange et toute gloire soit donc rapportée à Dieu et à vous, qu'il ne me revienne que la confusion de mes misères extrêmes. Daignez, ô ma mère, cacher sous votre manteau la confusion qui couvre mon visage, m'enlever l'opprobre que j'ai encouru par mes iniquités, qui tant de fois ont outragé votre divin Fils et vous-même. Daignez m'en obtenir le pardon, la grâce d'en faire une véritable pénitence en cette vie, et de devenir votre enfant, votre zélé serviteur, pour vous être unis dans la gloire céleste. Je vous demande la même faveur pour tous mes proches, spécialement pour, et pour ceux qui liront ce livre, surtout enfin pour ceux qui se souviendront de moi dans leurs prières, ou qui feront quelque suffrage pour le repos de mon âme après ma mort. Rendez-leur, et ma mère, en récompense de cet acte de charité, le centuple en cette vie, et obtenez-leur la gloire éternelle dans l'autre. Amen. Fin de la deuxième partie et du premier volume.